OF19, activité 44. Indiquez si la syllabe entendue est ouverte, O, ou fermée, F. 1. Oui. 2. Non. 3. Sec. 4. Trop. 5. Mou. 6. Vite. 7. Prêt. 8. Où. 9. Tu. 10. Par.